الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Toujours dans la traduction de l'explication de l'Umma al-I'tiqad al-Hadi ila sabil al-Rashad, un livre de l'imam Ibn Qudamah al-Maqdisi et une explication de Cheikh Salih Ibn Fawzan al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et la semaine dernière, on avait traité du châtiment de la tombe, de ses délices et de ses supplices, et du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait ordonné de demander la protection contre quatre choses. Parmi ces choses, le châtiment de la tombe, et également les questions qui seront posées par Munkar et Nakir, et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermira les paroles de ceux qui auront cru en lui dans cette vie d'ici-bas. ثم قال المؤلف والبعث بعد الموت حق في الأوتار ابن قدام المقدس رحمه الله دي et la résurrection et après la mort est vérité. قال الشيخ الفوزان كذلك مما يجب الإيمان به وهو من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والبعث هو إعادة الأموات أحياء ينبعثون من قبورهم أحياء بعدما كانوا ترابا وعظاما ورميما فإن الله يعيدهم سبحانه وتعالى كما كانوا بقدرته سبحانه ليجزيهم بأعمالهم التي عملوها فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. Également, les choses dont il faut avoir foi et dont il faut croire et auxquelles il faut croire avec certitude et qui font partie de la croyance au jour du jugement, c'est bien sûr de croire en la résurrection. Et la résurrection, c'est le fait que les morts revivent, et qu'ils sortent de leur tombe vivants après qu'ils aient été ossements et poussières. Et Allah subhanahu wa ta'ala les rendra comme ils étaient auparavant, et ceci par sa volonté subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal qui est capable de toutes choses et rien ne lui est difficile et rien ne lui est impossible subhanahu wa ta'ala. Pourquoi faire revivre ces morts et les ressusciter afin de les rétribuer selon les actes qu'ils auront fait dans cette vie d'ici-bas? Car cette vie d'ici-bas est une demeure dans laquelle l'on agit et l'au-delà est la demeure de la rétribution, soit en bien, soit en mal. فلا بد من البعث للجزاء والحساب ولا ينتهي الأمر عند الدنيا بل هناك دار أخرى هي دار الجزاء فلو لم يكن هناك بعث للجزاء للزم على ذلك البعث في أفعال الله تعالى وكانت أفعالا بلا نتيجة. Il faut donc obligatoirement qu'il y ait une résurrection pour qu'il puisse y avoir rétribution et jugement. Les choses ne s'arrêtent donc pas à cette vie d'ici-bas uniquement, comme le pensent beaucoup d'athées qui considèrent et croient qu'après la mort, eh bien, il ne se passera plus rien, que ce sera le néant. Bien au contraire, il y a une autre vie qui est la vie de l'au-delà, qui est la demeure de la rétribution. Et s'il n'y avait pas de résurrection, eh bien cela aurait signifié que parmi des actes d'Allah Azzawajal, il y aurait des actes qui n'ont pas de conséquences et qui n'ont pas de raison. Car Allah Azzawajal va, et comme il a dit dans le Coran à plusieurs reprises, « Yab'athu man fil qubur » Allah Azzawajal va ressusciter ceux qui sont dans leur tombe. S'il n'y a pas de jugement et s'il n'y a pas de rétribution, à quoi servirait le fait qu'Allah Azza wa Jal fasse revivre les morts? Il n'y aurait à cela aucune raison. Et Allah Azza wa Jal a dit, قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لترجعون فتعالى الله الملك الحق. Allah Azza wa Jal a dit, pensez-vous que nous vous avons créé en vain et que vers nous vous ne retournerez pas? Gloire à Allah, le roi, en toute vérité. فهو تعالى منزه عن العبث وأن يخلق خلقا عبثا بل خلقهم لحكمة وغاية وهي البعث والنشور والجزاء على الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر وذلك أن الله يعيد أجسادهم ويجمعها من التراب والعظام وتبنى أجسامهم كما كانت. Donc Allah عز وجل c'est ou à nier à lui-même le fait de créer des choses en vain, mais Allah عز وجل a créé ces créatures par une sagesse et dans un but qui est la résurrection et le jugement, un jugement et une rétribution qui est bonne si les actes étaient bons et qui sera mauvaise si les actes étaient mauvaises, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala rendra les corps comme ils étaient, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala créera des ossements et de la poussière et de la terre les corps comme ils étaient dans cette vie d'ici-bas. ثم بعد ذلك يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور فينفخ في الصور والصور هو القرن الذي فيه الأرواح فتطير كل روح إلى جسدها فيحيى هذا الجسد ويتحرك ثم يخرجون من قبورهم ويمشون إلى المحشر يخرجون من الأجداث يعني من القبور فيذهبون إلى المحشر كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يدعوهم إلى الحشر فيذهبون لا يتخلف أحد يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون ونفخ في الصور وقال عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Puis Allah عز وجل ordonnera à Israfil عليه السلام de souffler dans la trompe ou dans la corne. Il soufflera dans As-Sour, ce qui est appelé en arabe As-Sour, qui est la corne qui contiendra l'ensemble des âmes. Et lorsque Israfil alayhi salam soufflera dans cette corne, eh bien chaque âme retournera à son corps. Et le corps revivra et commencera à bouger. Puis les gens sortiront de leur tombe et ils marcheront jusqu'à la terre de rassemblement. Ils sortiront de leur tombe et se dirigeront vers la terre du rassemblement, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ, comme si c'était des criquets éparpillés. Vous voyez les criquets, comment ils recouvrent la terre et comment ils s'éparpillent. L'un va à droite, l'autre va à gauche, l'autre va tout droit, etc., etc. Ils partiront et personne ne pourra se sauver et personne ne pourra échapper à ce rendez-vous. Allah Azza wa Jalla a dit le jour où ils sortiront des tombes, rapides, comme s'ils couraient vers des pierres dressées, les yeux baissés, et l'humiliation les couvrira. L'humiliation les couvrira. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur, en disant, malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions? C'est ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit vrai. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait promis, et Allah subhanahu wa ta'ala tient toujours ses promesses, et les messagers qui ont informé et qui ont mis en garde leur peuple et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ensemble de l'humanité, contre ce jour et contre ce rendez-vous. وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى وقد أنكر المشركون البعث وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد كيف يعود التراب وتدب فيه الحياة وكيف تعود هذه العظام التي فنيت وهذه الشعور التي تفرقت وهذه اللحوم التي تمزقت كيف تعود مرة ثانية. Et les polythéistes ont nié la résurrection. Ils ont dit, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Isra, le verset 49, et ils ont dit, lorsque nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités une nouvelle fois? Ils niaient et reniaient la résurrection et disaient, comment pouvons-nous revenir de terre? Comment la vie peut-elle revenir à des ossements et à de la poussière? Comment ces ossements qui ont pourri, comment ces cheveux qui se sont dispersés, et comment cette viande qui s'est, ou cette chair qui s'est détruite, comment tout cela peut-il revenir et être un seul et même corps une deuxième fois? ونفوه بناء على عقولهم ولم يعلموا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. Ils considèrent donc impossible, et pour eux c'est invraisemblable, et ils ont nié cela car ils ont pris comme moyen de mesure leur raison, sans savoir que celui qui les a créés la première fois est capable de les créer une seconde fois. Allah Azza wa Jalla a dit, et celui qui a créé, qui a commencé la création, puis la recommencera, et cela est plus facile pour lui. Cela est plus facile pour Allah Azza wa Jalla de recréer une seconde fois. Pourquoi? Car la première fois, nous avons été créés de néant, de rien. Il n'y avait ni ossements, ni poussière. Et Allah Azza wa Jalla nous a créés de néant. Et donc, de nous ressusciter et de nous faire sortir de nos tombes et de recréer des corps parfaits en partant d'ossements et de poussière, cela est encore plus facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi Azza wa Jalla dans Sourate Luqman, le verset 28, votre création et votre résurrection sont comme s'il s'agissait d'une seule âme. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida. Allah Azza wa Jalla dit, ma khalqukum, votre création et votre résurrection. Allah Azza wa Jalla ici parle de quelle création et de quelle résurrection? De l'ensemble de l'humanité, de l'ensemble des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. De créer l'ensemble des créatures et de les ressusciter est plus facile ou est aussi facile chez Allah subhanahu wa ta'ala que de créer une seule et même créature et de faire ressusciter une seule et même créature. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala est le seul et unique à avoir la faculté et la possibilité de dire kun fayakun, soit et il est. Allah Azza wa Jal, il peut dire soit et il est à des centaines de milliards de créatures et elle sait, et elle est, et elles seront. Comme il a la possibilité de dire soit et il est à une seule et même créature, subhanahu wa ta'ala. الله لا يعززه شيء لماذا لم تستغربوا خلقكم أول مرة وكانوا في الزمان الماضي عدما ليس لهم جلود ولا عظام ولا شيء وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ليس لها عظام ولا لحم ولا شيء أبدا أوجدهم الله من عدم فالذي أوجده من عدم ألا يقدر أن يعيد أجسامهم ورميمهم وعظامهم كما كان لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. Donc rien n'est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ne sont-ils pas étonnés de leur création la première fois, alors qu'auparavant, ils n'étaient rien, ils n'étaient ni chair, ni os, ni quoi que ce soit. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et je t'ai créé auparavant alors que tu n'étais rien, tu n'étais ni os, ni chair. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a créés du néant. فهذا هو البعث من القبور حين ينفخ إسرافيل في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Et donc ce sera la résurrection des tombes lorsque Israfil soufflera dans la corne, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. والنفخ في الصور ذكره الله أنه يحصل ثلاث مرات. Et le souffle dans la corne, dans la trompe, Allah Azza wa Jal nous a cité que cela sera fait à trois reprises. Donc Israfil alayhi salam va souffler à trois reprises dans la tombe, dans la trompe. المرة الأولى نفخة الفزع ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. La première fois, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, ce sera le souffle de la frayeur. Ce sera le souffle qui engendra la terreur et la frayeur, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. Et lorsque l'on soufflera dans la trompe, seront effrayés ou sera effrayé tout ce qu'il y a dans les cieux, tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, sauf ceux qu'Allah veut, et ils viendront tous en s'humiliant. والنفخة الثانية نفخة الصعق. Le deuxième souffle sera le souffle de la mort. Le souffle de la mort est وَالنَّفْخَةُ الثَّالِثَةُ نَفْخَةُ الْبَعْثِ. Et le troisième souffle sera le souffle de la résurrection. وَهُمَا مَذْكُورَتَانِ فِي آخِرِ سُورَةِ الزُّمَرِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ يعني مات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى هذه النفخة الثالثة فإذا هم قيام ينظرون هذه نفخة البعث. Et le deuxième et le troisième souffle sont cités dans un seul et même verset de Surat Az-Zumar, c'est le verset 68. Allah Azza wa Jalla a cité ces deux souffles dans un seul et même verset de Surat Az-Zumar lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, et lorsque l'on soufflera dans la trompe, mourra ou mourront tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont dans la terre, sauf ceux qu'Allah veut, puis l'on soufflera une nouvelle fois. Et ceci, Allah Azza wa Jalla dit, puis l'on soufflera une nouvelle fois et tu les verras. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et c'est alors qu'ils seront debout regardant. Donc lorsque Israfil soufflera dans la trompe pour la troisième reprise, eh bien là les gens seront debout, vivants, et ils se regarderont les uns les autres. Et ceci donc est le souffle de la résurrection. Et Israfil alayhi salam va donc souffler trois fois. La première qui sera le souffle de la terreur, la deuxième le souffle de la mort, et la troisième le souffle de la résurrection. وقال المؤلف وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور. Et ceci donc, والبعث بعد الموت حق. Donc l'imam Qudam رحمه الله a dit, et la résurrection après la mort est vérité. Et ceci, c'est-à-dire la résurrection, aura lieu lorsqu'Israfil soufflera dans la trompe. Et Israfil alayhi salam, c'est l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe. ثم قال المؤلف فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث أي القبور ينسلون يخرجون. Et c'est alors que de leur tombe ils se précipiteront, ils sortiront précipitamment. ويقول المؤلف ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. Et les gens seront réunis le jour du jugement, les pieds nus, dévêtus, incirconcis et démunis. قال الشيخ الفوزان الحشر من الأمور التي يجب الإيمان بها والحشر جمع الناس بعد القيام من قبورهم يسيرون من قبورهم إلى المحشر وهو مكان يجمع الله فيه الأولين والآخرين مكان مستو ليس فيه مرتفع ولا جبل ولا كثبان أرض مستوية يجتمعون فيها. Donc الحشر qui est le rassemblement fait partie des choses auxquelles il faut croire et auxquelles il faut avoir foi. Et le rassemblement al-hashr, c'est le fait que les gens se rassembleront après être sortis de leur tombe. Ils se dirigeront vers al-mahshar, qui est le lieu de rassemblement dans lequel Allah Azza wa Jal rassemblera l'ensemble des créatures depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains. Et ce sera un endroit plat, il n'y aura pas de côte, il n'y aura pas d'élévation, il n'y aura pas de montagne ni de dune, ce sera une terre plate dans laquelle l'ensemble de l'humanité sera réuni. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر كل الخلائق تجتمع في هذا المحشر حفاة ليس لهم نعال عراة ليس عليهم ثياب غرلا غير مختونين القلفلة التي قطعت في الختان في الدنيا تعود مكانها بهما ليس معهم شيء ما معهم شيء أبدا إلا الأعمال. Ils seront donc réunis dans cette terre de rassemblement pieds nus, c'est-à-dire qu'ils n'auront ni chaussures ni sandales. Ils seront nus, c'est-à-dire qu'ils n'auront aucun vêtement. Ils seront incirconcis. Même ceux qui se seront circoncis dans cette vie d'ici-bas, lorsqu'ils seront ressuscités, ils seront ressuscités avec ce capuchon. Bohma, et ils seront démunis, c'est-à-dire qu'ils n'auront rien en leur possession. Ils ne pourront rien offrir, rien donner. Et la seule chose qu'ils pourront utiliser, ce seront leurs actes. فيقفون في المحشر وهو المجمع الذي يجمعهم الله الذي يجمعهم الله فيه هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. Donc ils seront dans cette terre de rassemblement et Allah Azza wa Jal dira هذا يوم الفصل, ceci est le jour de la décision. جمعناكم والأولين, nous vous avons réunis ainsi que les premiers, c'est-à-dire depuis le premier jusqu'au dernier. فإن كان لكم كيدون فكيدون, si vous avez des ruses, alors rusez. ويل يومئذ للمكذبين, malheur ce jour-là à ceux qui auront traité de mensonge ce message. فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما قاله المؤلف. فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Et ils resteront debout dans cet endroit le jour du jugement jusqu'à ce que intercède pour eux notre prophète محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الفوزان يطول وقوفهم في هذا المحشر وتدنو منهم الشمس ويتصبب منهم العرق ويأخذ كل واحد ويؤخذ من كل واحد منهم بحسب أعماله فيصيبهم الحر الشديد والضنك الشديد والتعب الشديد من طول الموقف 50,000 سنة عند ذلك يتراجعون فيما بينهم فيما يخلصهم أو يخلصهم من هذا الموقف الذي طال زمنه واشتد حاله. Et donc l'attente sera longue dans cette terre de rassemblement, et le soleil se rapprochera d'eux, et ils seront ensevelis et recouverts par leur sueur, et chacun sera recouvert par sa sueur selon les actes qu'il aura accomplis dans cette vie d'ici-bas. Ils subiront une chaleur immense et une pression gigantesque, de même qu'ils seront pris d'une fatigue grande, et ceci à cause de la longue attente, 50 000 ans, et c'est pour cela qu'ils reviendront les uns les autres afin de trouver une solution pour mettre un terme à cette attente interminable qui commence à devenir trop longue et trop douloureuse. فيقولون ليس لكم إلا الشفاعة لا بد من أحد يشفع فيكم عند ربكم في أن يخلصكم من هذا الموقف فيذهبون إلى آدم أبي البشر فيطلبون منه الشفاعة إلى ربهم وطلب الشفاعة من الحي القادر لا بأس به أن تطلب منه أن يشفع لك عند ربك. Et lorsqu'ils se concerteront à savoir de trouver une solution pour mettre un terme à cette attente, ils diront, vous n'avez d'autre solution que l'intercession. Vous devez trouver une personne qui puisse intercéder pour vous auprès de votre Seigneur et qui pourra par la suite mettre un terme à cette attente qui sera, comme l'a dit Cheikh, interminable et insupportable, au point même que les koufars, les mécréants, voudront aller en enfer sans être jugés. Tout ceci pour ne plus attendre et pour ne plus rester dans cette situation. Et l'être humain n'aime pas attendre. Bon, c'est vrai qu'en général, là où il y a de la pression, là où l'atmosphère est électrique, c'est dans les salles d'attente, des administrations, des hôpitaux, etc., etc. Lorsqu'une personne reste dans un endroit en attendant son tour, et là on parle d'heures, de minutes, dans cette vie d'ici-bas, ni la personne en ressort fatiguée et éprouvée, que dire de 50 000 ans avec une chaleur insupportable, al-iyadu billah. Donc ils diront, vous n'avez d'autre, ils sauront qu'ils n'auront d'autre solution que de demander l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se dirigeront donc vers Adam alayhi salam, qui est le père, qui est notre père et le père des êtres humains. Ils lui demanderont l'intercession et lui demanderont d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de mettre un terme à cette attente. Et Cheikh Fawzan dit qu'il est autorisé de demander l'intercession à une personne vivante qui a la possibilité d'intercéder. Il n'y a pas de mal à demander l'intercession à une personne vivante qui a la possibilité de la faire et d'intercéder, c'est-à-dire de demander à ce qui l'invoque, Allah subhanahu wa ta'ala, pour toi. Et c'est justement la différence entre le shirk et le tawhid, c'est que tu as le droit de demander l'intercession à une personne vivante qui en a la possibilité, de dire voilà, est-ce que tu peux faire des dua pour moi, invoque Allah en ma faveur. Ça, cela est autorisé. Même si certains savants considèrent que le fait de prendre cela comme une habitude pourrait porter atteinte à cette personne à qui tu demandes, car elle pourrait être prise d'orgueil et d'ostentation, à savoir, moi on me demande de faire l'invocation, les gens me demandent de faire l'invocation pour eux, donc cela veut dire qu'ils pensent que je suis une personne correcte, que je suis une personne pieuse, que je suis une personne qui est aimée auprès d'Allah, etc. Et cela peut avoir une influence si cela est pris comme une habitude. Contrairement au fait de ne pas faire comme faisaient les polythéistes, à savoir d'invoquer des personnes pour se rapprocher d'Allah. Mais ils n'invoquent pas Allah, ils invoquent ses propres personnes qu'ils prennent comme intermédiaires entre eux et Allah, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, en parlant des polythéistes. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Et ceci a fait d'eux des mécréants et des polythéistes qui resteront éternellement en enfer, wal'iyadu billah. Donc de demander l'intercession, de demander à une personne qui en a la possibilité, ne pas demander à une personne qui ne t'entend pas, à une personne sourde, de lui demander d'invoquer Allah pour toi, alors que tu sais très pertinemment qu'elle ne pourra pas le faire. Et Adam alayhi salam s'excusera. Fayatadiru Adam alayhi salam wa yadhhabuna ila Nuh awwal ar-rusul fayatadir. Ils partiront ensuite chez Noé alayhi salam, le premier des envoyés, qui lui aussi s'excusera. Wa yadhhabuna ila Musa fayatadir. Ils iront vers Moussa, qui lui aussi s'excusera. Wa yadhhabuna ila Isa fayatadir. Ils iront vers Isa alayhi salam, qui s'excusera. ويذهبون إلى إبراهيم فيعتذر ويذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر. Les gens iront ensuite chez Ibrahim عليه السلام, qui lui aussi s'excusera de ne pouvoir intercéder en leur faveur le jour du jugement, et chacun d'eux s'excusera et dira qu'Allah عز وجل est énervé au jour, ce jour, d'un énervement qu'il n'a pas eu auprès de ça. Il est énervé d'une façon qu'il n'a pas connue auparavant. ويذهبون في النهاية إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فهم طلبوا الشفاعة من أولي العزم الخمسة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها. Ils auront alors demandé à Adam alayhi salam ainsi qu'aux cinq prophètes parmi Ulul Azm, les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et lorsqu'ils iront demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira c'est à moi qu'elle appartient. Et ceci fait partie des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que ce sera le seul et unique qui aura cette possibilité d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour du jugement, afin que l'attente soit terminée et que le jugement puisse enfin commencer. فَيَقْبَلُ اللَّهُ الشَّفَاعَةَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ فَيَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ لكنه لا يشفع عند الله ابتداء إلا بإذن الله جل وعلا لأن الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فيخر ساجدا ويدعو ربه ويتضرع إليه حتى يؤمر برفع رأسه ويقال له سل تعطى وفيشفع للخلائق في فصل القضاء بينهم فيقبل الله شفاعته. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم acceptera d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'ira pas demander l'intercession directement sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, car nul ne peut intercéder auprès d'Allah azza wa jalla sans son autorisation. Il se prosternera devant Allah azza wa jalla et l'invoquera et s'humiliera devant lui subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla lui ordonnera de relever sa tête et de lui dire « Demande et nous l'on t'accordera ta demande ». Et le prophète sallam intercédera donc en la faveur de l'ensemble des créatures pour que le jugement puisse enfin commencer, et Allah subhanahu wa ta'ala acceptera cette intercession. ثم يأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده يأتي بذاته سبحانه وتعالى مجيئا حقيقيا كيف يشاء لفصل القضاء بين عباده كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا جاء لفصل القضاء بين عباده. Puis Allah سبحانه وتعالى viendra afin de juger ses serviteurs. Il viendra par son essence, subhanahu wa ta'ala, une venue qui est réelle et qui est propre à lui, subhanahu wa ta'ala, et ceci afin de juger ses serviteurs. Donc Allah azza wa jalla viendra, c'est lui-même, subhanahu wa ta'ala, qui viendra, comme il a dit dans Sourate Al-Fajr, Kalla idha dukkat al-ardu dakkan dakka, lorsque la terre sera complètement pulvérisée et viendra, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges en rang. Donc c'est Allah Azza wa Jalla qui viendra. وكما في قوله سبحانه هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Baqara, qu'attend-il si ce n'est qu'Allah viendra dans l'ombre des nuées ainsi que les anges pour les juger. هذا مجيء الله وإتيانه لفصل القضاء بين عباده مجيء حق وإتيانا يليقان به سبحانه وتعالى وبعظمته نثبتهما لله كما أثبتهما لنفسه ولا نؤول ولا نقول يأتي أمره لأن هذا تأويل باطل بل يأتي هو بذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه وتعالى. Donc la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala sera réelle, et Allah azza wa jal, comment il va venir, Allahu a'lam. C'est le seul à connaître le comment de sa venue et comment il viendra, subhanahu wa ta'ala, mais le fait d'attester que Allah subhanahu wa ta'ala viendra est une obligation, et cela fait partie de la foi du musulman. Car Allah azza wa jal s'est attribué la venue à lui-même, et nous devons également lui attribuer, car comme vous connaissez la règle dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est que nous devons attribuer à Allah ce qu'il s'est lui-même attribué, subhanahu wa ta'ala, et nous ne devons pas interpréter les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas dire, comme a dit Cheikh Fawzan, et ne pas dire viendra son jugement ou viendra son commandement, comme l'ont dit Al-Asha'ira et d'autres sectes qui disent que Allah Azza wa Jalla ne viendra pas, car si tu dis qu'Allah vient, eh bien tu l'auras fait ressembler à ses créatures, mais il faut dire c'est son commandement et son jugement qui viendra. Nous leur disons non, la croyance des gens de Ahl Sunnah wal Jama'ah, c'est d'attester ce qu'Allah Azza wa Jalla s'est attesté à lui-même, sans modification, sans falsification et sans interprétation. أما الكيفية نحن لا نتعرض لها كيف يجي وكيف يأتي لكن نثبت المجيء ونثبت الإتيان لله سبحانه وتعالى وأنه بالذات كما أخبر الله بذلك عن نفسه فيفصل بين عباده. Et nous ne devons pas demander le comment. Nous ne nous attardons pas sur le comment. Comment viendra Allah? Cela n'est connu que de lui سبحانه وتعالى. حين يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه هي الشفاعة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، منها ما هو خاص به ومنها ما هو مشترك أو مشترك بينه وبين الأنبياء والصالحين. ومن الشفاعات الخاصة به الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في أهل الموقف، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وسمي بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام، هذه الشفاعة العظمى. وتأتي بقية أنواع الشفاعات. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera donc en leur faveur, et ceci fait partie, ou ceci est l'immense intercession. Al-shafa'atu al-uzma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui sera accordé plusieurs intercessions. Certaines sont propres à lui, subhanahu wa ta'ala, à lui sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres intercessions seront accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi aux autres prophètes et également aux vertueux. Et parmi les intercessions qui sont propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a celle-ci, l'immense intercession qui est l'intercession concernant les gens du rassemblement, qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est appelé al-maqam al-mahmoud, à savoir la position remerciée. La position remerciée, si on peut traduire comme ça, qu'Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran, lorsqu'il a parlé à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et dans la nuit, prie pour lui des prières surérogatoires afin qu'Allah t'accorde, afin que ton Seigneur t'accorde une position pour laquelle tu seras remercié. Soumia bil maqam al mahmoud. Pourquoi est-ce que cette intercession a été appelée la position remerciée? Car les premiers et les derniers, du premier au dernier, remercieront le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette intercession qui sera, comme l'on l'a vu précédemment, ou qui mettra un terme à cette attente interminable et à cette attente extrêmement douloureuse et pénible pour l'ensemble des créatures. Et lorsque cette attente sera finie et que le jugement pourra enfin commencer, eh bien chacun remerciera le prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, puis se feront suivre les autres intercessions du prophète alayhi salatu wa sallam. On attafi bihada al-qadr wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.